demente. Ice Sun, Ray Ray Stratège, la première édition. Ici c'est hashtag Black Sun, check le soleil noir débarqué. Militant, quoi tu sais, on va te montrer de quel bon on chauffe, comme chauffer une salle. Et rien que des sales gosses, style Montréal, dans ton secteur comme Pago le jour du carnaval. Au grand réaval, une dose de 100% rap. Gare à la dérape, pas besoin d'un gun pour bosser la tête. Check comment ma famille s'infile dans ta mafia. Abuse ton taffy, hashtag stick to the plan, papa. Laisse ta vision blanche comme une tache de javel. Boost tes décibels et voir si notre réalité est belle. Belle et bien là pour rester, la même mesure me laisse. Toujours prêt à présenter, militant campé. Devant l'adversité, tu le sais, pas question de ramper. Et si un de mes frères souffre, c'est comme un peu de notre sang qui coule. Loin de moi la coulée douce, autant de motels qu'il y a de grains et de saveurs dans un bon couscous. Compte sur ma famille, pour te rappeler c'est quoi du bon hip hop. Dans ta face que tu play hate cop, bla la famille, tu m'entends. Je t'entends, frère. On est tous là présents à préparer ce plan militant. Avanzando en esta selva con cautela me vaquea. Te vaqueo. Que mi section la tombe no lo creo. La famille tu m'entends. Je t'entends. On est tous là présents à préparer ce plan militant. Avanzando en esta selva con cautela me vaquea. Te vaqueo. Que mi section la tombe no lo creo. Caminando por la calle en un estado militante. Representando con el micrófono volante. El plan es de construir a cada instante. Los cantantes 514. Representante mi distrito. De Montreal hasta Santo Domingo. Pasando por el subterráneo. Aquí me afinco con mi crew de 5. Militante desde el principio. Mi arquitectura, más estatura con edificio. Un precipicio, mira necio. No coja tu talento quicio, pa' que no caigas en vicio. Esta industria, nada que ver, peor que una pulsa. No hay dinero, aquí es puro amor pa' la música. Preparado pa' la guerra. Una la mano de esta maldita vida perra. United we build, divided we crumble. Militant quoi, yo por choix. We can't afford to fumble. Es la primera división, l'escuadrón de rapos militants. Architecte section du hip-hop 100%. Voilà qu'on porte la flamme avec fierté à tout temps. D'être péricain en possession et supportant le mouvement. C'est important à montrer aux jeunes de nos jours liberté d'expression. On passe comme Kuta Kinte. Fuck tous ces oppressions. L'underground contre-attaque les masses, c'est l'excellente mission. Garde le troisième œil ouvert pour toutes ces agressions. Au Québec on marche les rues, on est star au militant. Dépasse les fireboys, check in te prisionne en un instant. 10-4, mira como joden gente. Tu s'y frottes avec ton corps, paltale la mente. On représente les 5-4, le reste du territoire clair. Avec l'esté d'un animal, les flics sont tous en face. Terminal jusqu'à la mort. Le mode de vie va qui tu joues à la larme, le pas militant. Rien à voir avec ton commercial. Mon hip hop militant. Rien à voir avec ton commercial. Mon hip hop militant. Rien à voir avec ton commercial. Ici on a que des jeunes enfants, tout plein et réalisables, c'est bref. Car au bout de la ligne faut tous qu'on crève. C'est pour ça à chaque soir on fait la fête. J'ai un ghetto VDF. Pas de sous suspect, alors pop on inspecte un rétrospect. Ma vie est marquée par des choses secrètes. On fume un set, ensuite d'un côté schizophrène se manifeste. Eh, fais sous pas ni tout suspect. Ma clique te met en check, on sort des bouteilles de Bex vite sur ta tête. Et peut-être tu pourras même pas te remettre des choses que tu regrettes. En 2001, fils, y'a plus de remède. Trop de violence touche tous mes collègues. On fait tous riches et célèbres. C'est pour cela maintenant notre vie se décide. Ma clique c'est tech. Dans toute ta section, faute concentration. C'est plus parent pour une pénétration. Comme ces jeunes dans ma location. Mais fais gaffe à ma formation. Si tu sais pas toute l'information, contrôlé par tous ces francs-maçons. Alors on marche rue, faisant attention. Excusez l'individu qui me donne la main, pensant à nos revenus. Mais c'est du déjà vu, essaye même pas. J'espère que t'as entendu. Car ici le soir les jeunes se entretuent. Ça me blesse tout te dire. Y'a aucune fer rapide en vue. La guerre se passe sur nos avenues. Entre des âmes perdues. Même quand ils sont morts, ils restent en inconnus. Ma famille, tu m'entends? Je t'entends. On est tous là présents à préparer ce plan militant. Avanzando en esta selva con cautela me vaquea. Te vaqueo. Que mi section la tombe no lo creo. C'est pour la famille, tu m'entends? Je t'entends. On est tous là présents à préparer ce plan militant. Avanzando en esta selva con cautela me vaquea. Te vaqueo. Que mi section la tombe no lo creo. Sons. Mi sección la tumba y no lo creo. Lo creo, lo creo. La familia.